assis sur le sable, voit le soleil tomber dans l'eau. Il rêvait dans les nuages, caressé de reflets chauds. À Rio, il voit sa fille bercer son babe de la chanson que sa mère lui chantait quand il était petit garçon. Ce soir, la mer est tranquille, bientôt la fête va commencer. Près d'un grand feu sur le sable, tous les amis viendront chanter. Et puis parler et rire fort, les yeux brillants, se dire qu'on a changé, et oui ça fait déjà 10 ans. L'hymne du Brésil fait tanguer son cœur, chaleur du Brésil réveille ses moiteurs, odeur du Brésil caresse son âme, chaleur du Brésil, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Les braises luisent encore, Gérard regarde les étoiles. Les saisons passent vite en glissant poussées par les voiles. Toutes ces années derrière, combien en reste encore devant? En aura-t-il assez pour revoir ses petits-enfants? Une pluie fine pince sa peau. Il se lève tout engourdi, le baluchon blesse son dos. Demain il reprend la route, car c'est comme ça l'heure est venue. Peut-être pour le Brésil ou bien ailleurs, il ne sait plus. Chaleur du Brésil chavire tout son cœur, moiteur du Brésil fait luire ses noirceurs, odeur du Brésil caresse son âme, chaleur du Brésil caresse son âme.